Chapitre 10e. La tente du connétable. La nuit était sombre. Un brouillard épais enveloppait la ville et ses alentours. La cité et le camp étaient plongés dans une égale et profonde obscurité. Non loin de la porte du marché, un homme debout sur les remparts regardait avec inquiétude s'il n'avait point été aperçu. Ne voyant et n'entendant rien, il dénoue avec précaution une échelle de corde qu'il porte sous son bras. Il l'attache solidement et descend au pied des murailles avec une dextérité peu commune. Heureux de ce premier succès, il s'éloigne rapidement de la ville et marche droit au camp ennemi. Au bruit de ses pas, la sentinelle du poste avancé fait entendre le cri d'usage, auquel répond en espagnol le nouveau venu. « Je veux parler au général cette nuit, sans retard, » continue-t-il d'un ton impérieux, « qu'on me donne un guide et qu'on m'amène à lui. » À la même heure, le connétable était dans sa tente, seul éclairé d'une faible lumière qu'on ne distinguait plus à 20 pas. En vain, la nuit étendait-elle ses ombres sur la terre. Le doux sommeil n'était point venu clore les paupières de Bourbon. La grandeur et le remords sont tous deux ennemis du repos. Jeune encore, Charles comptait à peine 35 ans. Déjà depuis bien longtemps, il avait abandonné sa patrie. Comme un génie malfaiteur, il ne venait de la revoir que pour la dévaster et la livrer à toute la fureur de la guerre. Et pourtant il avait commencé sa carrière d'une manière aussi brillante que pure. Mais irrité d'un jugement injuste qu'il avait dépouillé d'une partie de ses biens, le connétable, l'âme profondément ulcérée, disposé à tout oser pourvu qu'il pût se venger, se rendit facilement aux séduisantes propositions de l'astucieux Charles Quint, qui le détachèrent à tout jamais de ses devoirs. Dès ce moment il devint le fléau de sa patrie, dont il devait être une des gloires les plus belles. Nommé lieutenant-général des armées impériales et roi de Provence, à la condition de conquérir lui-même son royaume, ce fut pour obéir à son nouveau maître, pour assouvir son désir de vengeance, et poussé par son ambition, qu'il vint planter son étendard sous les murs de Marseille. Le siège traînait en longueur, mais la cité si noblement défendue paraissait imprenable. À peine les batteries ennemies entamaient-elles les murailles que les brèches étaient réparées. Commençait-on une mine? L'habileté de Miradel savait la rendre inutile. Que faire? Comment réussir et triompher? Telles étaient les questions que s'adressait le connétable. L'œil fixe et la tête dans la main, il cherchait sans doute pour soumettre la ville un moyen nouveau, mais un moyen sûr, infaillible, qui pût l'assurer du succès. Soudain il se relève. La joie brille dans ses regards. Il soulève aussitôt un épais rideau qui formait un des murs de sa tente. « Messeigneurs ! » cria-t-il. À l'instant, quelques officiers supérieurs espagnols et italiens, qui veillaient comme leur chef, s'avancèrent. Au moment où ils quittaient l'espèce d'antichambre dans laquelle ils attendaient les ordres du général, un homme y entrait. Pendant une seconde, les rayons de lumière qui s'échappèrent à la faveur du rideau soulevé vinrent frapper d'aplomb son visage et firent reconnaître les traits agités de Valentin. Puis de Bourbon laissa tomber la tenture, et le serviteur de Mantoue demeura dans les ténèbres. Alors la voix du connétable se fit entendre. Il donnait aux officiers un ordre important. Ses paroles arrivaient claires et distinctes à l'oreille de Valentin qui les écoutait, la sueur au front. Il savait qu'il est terrible parfois de surprendre les secrets des chefs, et d'ailleurs ce n'était point là le but de sa périlleuse tentative. La confidence de Charles de Bourbon eut un terme. Les officiers traversèrent l'antichambre où se tenait blotti le serviteur de Mantoue et s'éloignèrent. Un soldat vint alors chercher le fils de Catherine et l'amena devant le général. À l'aspect de cette figure bouleversée, le connétable se sentit saisi d'une vague crainte, et son regard menaçant s'arrêta sur l'œil de Valentin, comme s'il eût voulu scruter jusqu'au fond de son âme. Le serviteur de Mantoue comprit que c'en était fait de sa vie s'il laissait un simple soupçon planer sur sa personne au sujet du secret qu'il avait surpris. Le danger était imminent. Le traître en mesura toute l'étendue. Un instant, il en fut effrayé. Peut-être regretta-t-il alors cette coupable jalousie qu'il avait conçue contre Améliane et qui le portait à perdre Guillaume. Cependant, il ne peut plus reculer. Rappelant alors toute son audace et ne voulant pas donner au général ennemi le temps de la réflexion, « Monseigneur, j'ai quitté furtivement la ville assiégée et n'ai pas craint de m'exposer à la mort pour parvenir jusqu'à vous et sauver les jours en péril de vos braves soldats. » À ces paroles, Bourbon sentit peut-être sa méfiance s'accroître encore. « Qui êtes-vous » demanda-t-il. « J'habite Marseille, » répondit Valentin. « Mais mon père était catalan, et je ne puis sans horreur voir massacrer nos compatriotes. » À la vue de l'assurance, ou plutôt de l'astuce, du fils de Catherine, les craintes du connétable s'évanouirent. Valentin devina l'impression favorable qu'il venait de faire sur l'esprit du général. Il continua. « Demain, au premier rayon du soleil levant, un détachement sortira de la cité par la porte d'Aix, avec le projet de surprendre les travailleurs. Je ne puis que vous avertir d'y veiller, général, car l'heure s'avance, mon poste est abandonné, malheur à moi si j'arrive trop tard. » « Vous retournez. Pourquoi ne resteriez-vous pas parmi nous ?»« Je ne le puis, monseigneur. Car ma vieille mère a vu le jour dans Marseille et ma fuite serait ma mort. » Bourbon demeura pensif. Il réfléchissait au parti qu'on pourrait tirer d'un pareil homme, puis se disant sans doute que la piété filiale de l'inconnu apporterait à ses projets un obstacle invincible, il appela un de ses gardes. « Qu'on reconduise cet homme, » dit-il, et se tournant vers Valentin, « Allez !» continue-t-il en lui tendant sa bourse. Le complice de Mantoue la saisit vivement. « Double moisson ne nuit jamais, » murmura-t-il. Un quart d'heure plus tard, Valentin avait escaladé le rempart, détaché et replié son échelle de corde et repris sa faction.